Chapitre 10. La bergerie. Pour s'y reconnaître, il grimpa sur le talus, d'où il avait sauté. Lentement et difficilement, comme à l'aller, il se guida entre les herbes et les eaux, à travers les clôtures de saules, et s'en fut chercher sa voiture dans le fond du pré où il l'avait laissée. La voiture n'y était plus. Immobile, la tête battante, il s'efforça d'écouter tous les bruits de la nuit, croyant à chaque seconde entendre sonner tout près le collier de la bête. Rien. Il fit le tour du pré. La barrière était à demi ouverte, à demi renversée, comme si une roue de voiture avait passé dessus. La jument avait dû par là s'échapper toute seule. Remontant le chemin, il fit quelques pas et s'embarrassa les pieds dans la couverture, qui sans doute avait glissé de la jument par terre. Il en conclut que la bête s'était enfuie dans cette direction. Il se prit à courir. Sans autre idée que la volonté tenace et folle de rattraper sa voiture, tout le sang au visage, en proie à ce désir panique qui ressemblait à la peur, il courait. Parfois son pied butait dans les ornières. Au tournant, dans l'obscurité totale, il se jetait contre les clôtures et, déjà trop fatigué pour s'arrêter à temps, s'abattait sur les épines, les bras en avant, se déchirant les mains pour se protéger le visage. Parfois il s'arrêtait, écoutait et repartait. Un instant, il crut entendre un bruit de voiture, mais ce n'était qu'un tombereau cahotant qui passait très loin, sur une route, à gauche. Vint un moment où son genou, blessé au marchepied, lui fit si mal qu'il dut s'arrêter, la jambe raidie. Alors il réfléchit que si la jument ne s'était pas sauvée au grand galop, il l'aurait depuis longtemps rejointe. Il se dit aussi qu'une voiture ne se perdait pas ainsi, et que quelqu'un la retrouverait bien. Enfin, il revint sur ses pas, épuisé, colère, se traînant à peine. À la longue, il crut se retrouver dans les parages qu'il avait quittés, et bientôt il aperçut la lumière de la maison qu'il cherchait. Un sentier profond s'ouvrait dans la haie. « Voilà la sente dont le vieux m'a parlé, » se dit Augustin. Et il s'engagea dans ce passage, heureux de n'avoir plus à franchir les haies et les talus. Au bout d'un instant, le sentier déviant à gauche, la lumière parut glisser à droite. Et, parvenu à un croisement de chemin, Maulne, dans sa hâte à regagner le pauvre logis, suivit sans réfléchir un sentier qui paraissait directement y conduire. Mais à peine avait-il fait 10 pas dans cette direction que la lumière disparut, soit qu'elle fût cachée par une haie, soit que les paysans, fatigués d'attendre, eussent fermé leurs volets. Courageusement, l'écolier sauta à travers champs, marcha tout droit dans la direction où la lumière avait brillé tout à l'heure. Puis, franchissant encore une clôture, il retomba dans un nouveau sentier. Ainsi, peu à peu, s'embrouillait la piste du grand Maulne et se brisait le lien qu'il attachait à ceux qu'il avait quittés. Découragé, presque à bout de force, il résolut dans son désespoir de suivre ce sentier jusqu'au bout. À 100 pas de là, il débouchait dans une grande prairie grise où l'on distinguait de loin en loin des ombres qui devaient être des genévriers et une bâtisse obscure dans un repli de terrain. Maulne s'en approcha. Ce n'était là qu'une sorte de grand parc à bétail ou de bergerie abandonnée. La porte céda avec un gémissement. La lueur de la lune, quand le grand vent chassait les nuages, passait à travers les fentes des cloisons. Une odeur de moisie régnait. Sans chercher plus avant, Maulne s'étendit sur la paille humide, le coude à terre, la tête dans la main. Ayant retiré sa ceinture, il se recroquevilla dans sa blouse, les genoux au ventre. Il songea alors à la couverture de la jument qu'il avait laissée dans le chemin. Et il se sentit si malheureux, si fâché contre lui-même, qu'il lui prit une forte envie de pleurer. Aussi s'efforça-t-il de penser à autre chose. Glacé jusqu'aux moelles, il se rappela un rêve, une vision plutôt, qu'il avait eue tout enfant, et dont il n'avait jamais parlé à personne. Un matin, au lieu de s'éveiller dans sa chambre, où pendaient ses culottes et ses paletots, il s'était trouvé dans une longue pièce verte, aux tentures pareilles à des feuillages. En ce lieu, coulait une lumière si douce qu'on eût cru pouvoir la goûter. Près de la première fenêtre, une jeune fille cousait, le dos tourné, semblant attendre son réveil. Il n'avait pas eu la force de se glisser hors de son lit pour marcher dans cette demeure enchantée. Il s'était rendormi. Mais la prochaine fois, il jurait bien de se lever. Demain matin, peut-être.